Quand il est premier de sa classe, Jacques est habitué à accompagner au théâtre Madame de Vignolles, mère d'un de ses camarades de classe, femme distinguée, mariée à un personnage riche et influent. Mais, un jour qu'ils étaient partis tous deux à la campagne, ils se retrouvent suite à un orage dans la même chambre. Mais, alors que Madame de Vignolles est en train de se déshabiller devant Jacques, Jacques, reconnu, est appelé par un camarade de classe venu en promenant dans le coin. « Je suis forcé de quitter la ville. On a jasé de mon aventure. Et mon père m'amène à Paris. J'y suis arrivé avec une fonction. Considéré à Paris comme un provincial, éraillé, pour cette raison, Jacques, qui loge à la pension Le Gnagna, suit les cours au lycée Bonaparte. Mais, après avoir vu un jour un bachelier laver son linge dans la Seine, Jacques délaisse ses études. Les vacances arrivent. 8 jours après, Madame Vintra vient le chercher à la pension.